Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et c'est François Grégoire qui vous parle. Nous sommes au beau milieu de l'hiver et certains s'interrogent sur des faits qui semblent contre-intuitifs en cette période de l'année. Par exemple, pourquoi est-ce l'hiver au moment où la Terre passe à son point le plus proche du Soleil? Alors, pour répondre à ce genre de questions, je reçois Jean-René Roy, astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Il va nous expliquer quelques éléments de physique et d'astronomie qui vont nous permettre de mieux comprendre l'hiver. Bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi, François. Alors Jean-René, je reviens sur la question en introduction. On sait que la Terre passe à son point le plus proche du Soleil le 4 janvier et à son point le plus éloigné du Soleil le 3 juillet. Alors pourquoi c'est l'hiver que nous sommes le plus proche du Soleil? Il semble y avoir une contradiction. Oui, en apparence. En fait, les effets saisonniers, le fait que ça change beaucoup durant l'année, pourraient être déterminés par la distance qu'est la planète de son étoile, de la Terre. Donc, la Terre est sur une orbite elliptique et elle sera plus proche à un moment donné, qui est au début de janvier, et plus loin à un autre moment. Cette différence est assez minime, à peu près sur 150 millions de kilomètres de distance en moyenne. L'hiver, et surtout au début de janvier, on est 4 millions de kilomètres plus proche du Soleil qu'on l'est au début de juillet. Et ça amène en fait une différence dans la quantité d'énergie qu'on reçoit du Soleil de l'ordre de 6%. 6%. Donc 6%, c'est pour ça en fait que les étés de l'hémisphère sud qui se produisent à ce temps-ci sont généralement plus chauds que nos étés. OK, ça fait vraiment une différence. Donc il y a fait une différence. Pour une latitude égale, c'est ça? Pour une latitude égale. Mais l'effet déterminant pour nous des saisons, des effets saisonniers, c'est que l'axe de la Terre est incliné sur son plan orbital. Et cet axe-là est fixe dans l'espace pour une période de temps plus ou moins longue. On va y revenir. Plus tard, oui. Donc, ce qui fait, enfin, un phénomène qu'on observe très bien, c'est qu'à certains moments de l'année, le Soleil nous paraît très haut dans le ciel, c'est-à-dire que chaque mètre carré reçoit beaucoup d'ensoleillement, beaucoup d'énergie. Et à certains autres moments de l'année, de ce temps-ci, l'hiver, et surtout il y a quelques semaines, le Soleil est plus bas à l'horizon et chaque mètre carré reçoit beaucoup moins d'énergie. Et en fait, la variation est de l'ordre d'un facteur de presque un facteur 2. Oh, donc, okay. Le petit 6% qui serait dû à la variation de notre distance au Soleil est un facteur qui finalement est fortement dilué par rapport au 100%. Et l'effet est assez considérable. Les effets saisonniers, en fait, sont de plus en plus considérables aux latitudes élevées parce que l'effet d'angle devient extrême, même que les régions arctiques ou antarctiques n'auront aucun éclairement, ne recevront aucune énergie du soleil pendant de longues périodes de l'année. Donc, ici, ça ramène un point, c'est que les effets saisonniers pour toute planète qui tournent autour d'une étoile vont être d'autant plus importants que l'axe de rotation de la Terre va être incliné par rapport à son plan orbital. À l'heure actuelle, notre axe d'inclinaison par rapport au plan orbital est de l'ordre de 23 degrés, ce qui est assez considérable. S'il était de 0 degré, on n'aurait pas d'effet saisonnier annuel. Il y aurait des effets de saison en latitude. Oui, c'est ça. Les régions auraient leur saison, un peu comme lorsqu'on monte une montagne et on en redescend, une très haute montagne. Mais autrement dit, s'il n'y avait pas d'inclinaison, premièrement, tout l'hémisphère serait à la même saison. En fait, il n'y aurait une même latitude, on aurait toujours à peu près la même saison, exactement. Surtout si on avait une orbite complètement circulaire. Là, on aurait peut-être ce petit effet là, du 6% en éclairement. C'est ça. Est-ce qu'il y aurait effectivement une saison, par exemple, lorsque la Terre est éloignée du Soleil et l'été lorsque la Terre serait proche? Si l'axe, dans notre cas, d'une orbite légèrement elliptique qu'on a, on aurait un léger effet saisonnier, mais il ne serait pas aussi important que celui qu'on a dû à l'inclinaison de 23 degrés de l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan orbital. Donc, la variation de l'ensoleillement due à l'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil est vraiment déterminante. Oui. En fait, est plus déterminante finalement que la distance pour de nous la dans ce cas-ci. Si on avait une orbite très elliptique, comme l'orbite des comètes, là, il y aurait des effets saisonniers assez considérables. Oui, mais dans notre cas, c'est le facteur de variation d'éclairement pour une latitude donnée. Donc, si nous, on décidait de se déplacer à la surface de la Terre en allant d'une latitude, disons à ce temps-ci, en allant vers le sud, on essaie de retrouver l'été, on essaie d'atténuer l'effet saisonnier en allant en Floride ou en allant dans le golfe du Mexique. Et parmi les éléments qui modulent le climat de la Terre, il y a aussi des cycles. En fait, on les appelle les cycles de Milankovitch. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces cycles? Je pense qu'il y en a quatre. Mais d'abord, est-ce que vous pourriez aussi nous dire qui était Milankovitch? Oui. Donc, en fait, c'est ce qui nous amène. En fait, c'est un sujet intéressant parce que l'effet est un petit effet qu'on voit sur une base annuelle. Mais si on regarde sur des périodes de dizaines de milliers d'années, et de centaines et de millions d'années, on sait qu'il y a des choses qui se passent. Il y a des effets saisonniers colossaux qu'on appelle les âges glaciaires et interglaciaires. On est maintenant dans une sortie de l'âge glaciaire d'il n'y a pas si longtemps. Et il y a des effets astronomiques qui déterminent, en fait, si on a un âge glaciaire ou pas. Et c'est là que viennent ces fameux cycles de Milankovitch, qui est un astrophysicien d'origine serbe qui a vécu de 1879 à 1958 et qui a émis l'hypothèse et en fait la théorie parce que c'était très structuré, il comprenait très bien la mécanique céleste, les paramètres orbitaux de la Terre et ce que la Terre faisait, plus compliqué que juste tourner sur elle-même. Mm-hmm. Et il a proposé que les glaciations avaient un facteur ou des facteurs astronomiques très importants qui les déterminaient. Il a proposé, dans des travaux qu'il a publiés dans les années 20, 1920, dans les années 30 et 1940, il a été ignoré totalement. Ah bon? Parce que, en fait, on croyait encore que ces modulations n'auraient pas autant d'importance que d'autres grands phénomènes d'origine terrestre qui ont aussi une influence à long terme. Donc, ces phénomènes terrestres affectent essentiellement l'atmosphère de la Terre en injectant plus ou moins de d'oxyde carbonique, ce fameux CO2 qu'on connaît, nous, qu'on injecte maintenant à une vitesse phénoménale. Mais sur des grandes périodes, il y a de l'activité volcanique, il y a la tectonique des plaques, les continents qui se rentrent dans l'autre, qui sur des grandes périodes, accélèrent la dissolution du CO2 de l'atmosphère dans les roches et dans l'eau de mer qui le soustrait de l'atmosphère et d'autres phénomènes à l'inverse qui en injectent. Donc, on pensait que c'était ça qui dominait complètement et ils sont très importants, en fait, sur les longues périodes. Mais sur des plus courtes périodes, et il y a un effet, justement, de modulation qui est introduit par d'autres phénomènes astronomiques et c'est ça que notre ami, l'astrophysicien Milankovitch a proposé. Et en fait, on l'a ignoré jusqu'en 1974 lorsqu'on a, en fait, entrepris des forages des fonds marins et on a, par l'étude des sédiments, établi l'âge de ces couches et on a revu en fait, exactement imprimé là, les fameux cycles de Milankovitch, qui montraient que des facteurs comme la précession de l'axe de rotation de la Terre, on va y revenir, donc l'axe est incliné, mais comme une toupie, on voit pas trop de toupies maintenant dans les jouets pour les enfants, mais les toupies tournent très rapidement sur elles-mêmes. Et une chose que vous pouvez remarquer, parce que la toupie n'est pas tout à fait bien équilibrée, l'axe tourne sur lui-même dans un mouvement qu'on appelle de précession. La Terre fait ça. L'axe de rotation de la Terre, je vous ai dit qu'il était fixe, mais sur une période très courte, mais c'est sur ça. Une période de 26 000 ans, l'axe de rotation fait un tour complet. C'est ça. Ouais. Ça veut dire qu'effectivement, l'étoile polaire change. Aujourd'hui, c'est l'étoile polaire qui est au nord, mais dans 13 000 ans, ça va être Vega. Ça va être une autre étoile. Comme dans le même effet, c'est que l'axe fait un tour complet à 26 000 ans, c'est une espèce d'effet de précession. C'est-à-dire que dans la moitié du temps, dans 13 000 ans, on serait... Nous, à ce moment-ci, on sera en été. C'est ça. Donc, comme tel. Mais on va tenir de compte de ça pour pas que ça arrive là, avec le calendrier. Et non seulement cet effet-là est important, mais aussi un autre effet, c'est que l'axe est incliné de 23 degrés, je vous ai dit, mais on appelle ça l'ubiquité. C'est ça. Mais cette inclinaison change avec le temps sur une période de 40 000 ans. Ah bon, OK. Il y a un cycle aussi. Il y a un cycle, exactement. Ça a comme une petite bascule. C'est toujours dû à la Lune qui essaie de ramener le renflement de la Terre dans son plan orbital. Donc, ça ne réussit jamais, mais ça fait une oscillation qui est de 21 degrés à peu près à 24 degrés. Donc, c'est quelques degrés. Et présentement, est-ce qu'on est en augmentation? On est au milieu. Est-ce que ça va aller c'est une bonne question. Okay. Faudrait que je regarde les graphiques où on est là. Et est-ce que c'est un cycle régulier comme celui de la précession? Absolument. Okay. Ce sont des cycles réguliers, mais ils sont pas des multiples entiers les uns des autres. Non, c'est ça. Et il y a un autre facteur que dont a tenu compte notre ami Milankovitch, c'est le fait que l'excentricité de l'orbite de la Terre, je vous ai dit que l'orbite de la Terre était une orbite elliptique. C'est ça. Mais cette ellipticité change aussi sur une période de 110 000 ans. Okay. C'est des influences de Jupiter surtout qui nous tirent dessus et qui font comme gonfler et rapetisser l'excentricité. Et est-ce qu'elle devient plus grande qu'elle l'est actuellement? Oui, elle est plus grande ou plus petite. Donc là, l'effet de distance s'additionne et il devient relativement important. À l'extrême, je parlais de changement d'ensoleillement pour un mètre, chaque mètre carré de la Terre de l'ordre de 6%, mais dans les conditions extrêmes, ça peut atteindre 30% lorsque l'orbite terrestre devient plus elliptique. Donc, tu sais, vous avez 26 000 ans, 40 000 ans, 110 000 ans. 110 000 ans pour l'excentricité. Donc, tout ça joue. Et ce que fait Milankovitch, il a calculé et tout, il s'est rendu compte que les effets qui vont moduler l'ensoleillement, si on combine tout ça, vont de temps en temps vont s'additionner et ils vont s'annuler de temps en temps. C'est un peu comme une fugue de Bach. Puis les choses rentrent en ordre, de temps en temps, c'est plus fort, de temps en temps, c'est moins fort, etc. Donc, J'adore la comparaison. Il a été génial dans sa proposition. Et il me rappelle, en fait, le grand géophysicien norvégien, Alfred Wegener, qui avait proposé, d'à peu près la même époque, dans les années 20, il avait proposé qu'on pouvait expliquer finalement l'allure des continents par le fait qu'ils avaient été joints et qu'ils s'étaient séparés il y a une période géologique de plusieurs. Et on l'a ignoré lui aussi, jusqu'à peu près dans les mêmes époques. Donc c'est toujours dans les années 70 et tout qu'on a mis ensemble beaucoup de données qui ont confirmé tant M. Wegener et dans notre cas M. Milankovitch qu'il avait bien raison de voir cette modulation comme telle. Donc en gros, cela va faire en sorte que ces espèces de maximum ou de minimum d'ensoleillement dû à la combinaison des trois cycles, 26 000 ans, qui est celui de la précession de l'axe de rotation, de 40 000 ans, qui est celui que l'angle de rotation de l'axe de rotation que la Terre fait avec le plan orbital varie de quelques degrés, et enfin que la forme de l'orbite elliptique de la Terre varie sur une période de 110 000 ans, on va avoir à peu près des glaciations de l'ordre d'à peu près d'une centaine, cent quelques milliers d'années. C'est pas régulier parce qu'ils s'empilent bien. À un moment donné, c'est un peu plus long. À un moment donné, c'est un peu plus court. Et tout ça a été retrouvé en analysant des sédiments des fonds marins pour la période de quelques millions d'années. Sur des périodes de plusieurs millions d'années, là, il faut tenir compte de phénomènes géologiques que j'ai décrit tantôt, les grands épanchements de lave, les grands volcans et les mouvements des continents qu'on appelle tectoniques des plaques. Et présentement, justement, dans cette courbe là, des cycles de glaciation, on est présentement dans un pic. Oui, il fait chaud. Il fait chaud, là. Oui, on est dans une période, il fait chaud comme tel, alors qu'il y a même 15 000 ans, on était dans un creux d'ensoleillement, entre guillemets. Tous les paramètres étaient comme tel, faisant en sorte que l'ensoleillement était minimisé par rapport à aujourd'hui. Surtout quand on regarde les latitudes supérieures, où les effets vont être plus grands parce que les masses continentales sont surtout dans l'hémisphère nord. Et les continents tendent à absorber beaucoup plus facilement l'énergie solaire que l'eau, l'océan, qui est un réflecteur plus efficace que la plupart des croûtes terrestres, des sections de croûtes terrestres qu'on a exposées dans les continents. Donc, on est vraiment, dans un max. Ce qui fait que nous, qui avons mis le pied sur l'accélérateur en injectant beaucoup de CO2, on ne le fait pas vraiment au bon moment. Et on le fait très, très vite par rapport à ces cycles qui sont de 100 000 ans, 200 000 ans et même quelques millions d'années. Et Jean-René, on n'a pas parlé du soleil là-dedans parce qu'il y a aussi le forçage solaire. Est-ce qu'il y a des cycles solaires? Non. Il y a des cycles. Le soleil, il y a des cycles qu'on appelle des cycles d'activité solaire. Mm-hmm. Donc, il y a des périodes de minimum et de maximum qui sont... qui se manifeste le plus aisément pour un observateur terrestre par l'apparence de grandes taches solaires, de régions du Soleil où le champ magnétique est très, très fort. Et généralement, on appelle ces périodes-là, qui sont des périodes de maximum d'activité solaire, leur cycle est de 11 ans. Donc, c'est un cycle très, très rapide. Connu, et on observe une modulation de l'ensoleillement de l'illumination du soleil de l'ordre de 11 ans où on reçoit plus de rayonnement solaire lors d'un maximum d'activité solaire qui a eu lieu en 2011 que lors d'un minimum d'activité solaire qui a lieu maintenant. Donc, okay. Mais cette modulation, elle est minime, c'est de l'ordre d'à peu près 0,1%. Okay. Donc c'est négligeable. On a été incapable, beaucoup ont recherché, d'essayer de mettre en relation, en corrélation, le climat terrestre avec ces modulations du rayonnement solaire reliées à l'activité solaire, mais leur effet est littéralement très petit, négligeable. Ouais. En fait, on ne voit pas. Le climat est très difficile, il est très variable. Ce qu'on sait, on est capable de mesurer maintenant, surtout quand on va dans l'espace, la quantité d'énergie qui nous arrive du Soleil. C'est ça qui varie avec le cycle d'activité solaire d'une fraction de pourcent, de l'ordre de 0,1%. Donc, pour le moment... on n'a pas de glaciation en vue. Il y en aurait une, en principe, dans à peu près 50 000 ans, si on suit M. Milankovitch. Plus de 50 000 ans, et peut-être faudrait regarder ces cycles comme tels. Donc, ce qu'on fait, nous, en modifiant la teneur de l'atmosphère terrestre, en augmentant le gaz carbonique ça et ça ne pourrait pas annuler la glaciation, ça. Est-ce que ça serait assez intense pour En fait, c'est mal compris comme tel. Mais on pourrait moduler l'effet astronomique jusqu'à un certain point. Oui, on pourrait, si on injectait dans l'atmosphère à peu près toutes les réserves de carburants fossiles qu'on connaît, je pense que la prédiction est de l'ordre de quelque chose comme 6 degrés d'augmentation de la température moyenne. Et c'est vraiment... de l'ordre des fluctuations de température moyenne entre les maximums de glaciation et les maximums de température dans les périodes interglaciaires. Donc, on pourrait annuler mais espérons qu'on sera plus sage parce que le problème va arriver bien avant. On va se griller la couenne avant d'avoir la prochaine. C'est pas notre sauveur. On va avoir chaud avant de geler. Ouais. On va prendre les quelques minutes qui nous restent pour parler d'autres phénomènes, Jean-René. Oui, on va parler du facteur de refroidissement de l'air, parce que souvent on entend dire, il fait moins 15, mais avec le facteur de refroidissement, c'est équivalent à moins 25. Donc, le facteur de refroidissement, ça énerve beaucoup de monde, et moi-même en particulier. Pas qu'on parle de facteur alien, de facteur refroidissement, qui est une façon de décrire comment notre corps perd sa chaleur dans les différentes conditions, entre autres lorsqu'il y a du vent, lorsqu'il est exposé au vent surtout. C'est ça. Donc, moi, le problème que j'ai, c'est de l'exprimer en température. Ah bon, OK. C'est une absurdité physique. Ah bon, OK. C'est comme si... D'abord, je dirais, je vais vous donner juste une espèce de pousser un peu à l'absurde. C'est comme, l'été, on parle du facteur humidex. OK? Oui. Facteur humidex. Donc, là aussi, on vous envoie ça en température. C'est vrai. Mais on dit que l'air est lourd. Donc, pourquoi on ne donne pas le facteur humidex en kilogrammes? Oui, okay, donc, pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir avec la température. En fait, plus le facteur de refroidissement, le facteur alien va être élevé, plus vous allez sentir la vraie température. C'est ça. Exactement. La température, sensation comme telle. Le meilleur exemple, la plupart des gens ont une voiture et ont un thermomètre dans la voiture. Vous démarrez la voiture, la température est de moins 10. Mm-hmm. Vous accélérez, vous allez à 30, 60 km. À quelle température est le thermomètre de la voiture? Toujours à moins 10. Toujours à moins 10. Donc, vous allez aller à 100 km à l'heure, ça sera toujours à moins 10. À moins que vous atteigniez la vitesse du son, il y aura d'autres phénomènes. Oui. La température, quelle que soit votre vitesse, reste celle que le thermomètre mesure. Mais rien de moins. C'est un fait. Donc, c'est l'expression est en température est une erreur de physique, et d'autant plus que le facteur refroidissement, c'est quelque chose qui est plutôt qualitatif, relatif, dépendant des conditions que, de la manière que vous êtes habillé, la plupart des gens sont habillés lorsqu'ils vont dehors. C'est ça. Si vous faites face au vent, si vous avez le vent de dos, si vous êtes en forêt en train de faire du ski de fond, le facteur de refroidissement, entre guillemets, il est très faible. Donc, vu que c'est un effet qualitatif, je crois qu'on devrait s'en tenir à parler de facteur de refroidissement. Oui, faible, modéré, élevé, okay, ou extrême. Utiliser des expressions qui n'impliquent pas une erreur de physique, je trouve, de l'exprimer en température. Parce qu'on parle de facteur de refroidissement, il fait moins 20. Uh-huh. On vous dit, le facteur de refroidissement est d'une température ressentie de moins 50. Mais si vous étiez à moins 50, on vous dirait que le facteur de refroidissement est de moins 80, donc c'est quelque chose qui ne finit plus, ouais, en fait. Mais moi, ce que je comprenais, c'est que si on dit moins 50, autant on dit que ça serait équivalent à moins 50, pas de vent. Mais ça n'existe à peu près jamais, pas de vent. Oui, ça, c'est un fait. Donc, en fait... Donc, ça fait appel à un flux d'énergie qui quitte. C'est une sensation, c'est ça. En fait, c'est une sensation, exactement. Donc, et la même chose s'applique à l'été. Donc, c'est l'idée d'essayer de quantifier, que je trouve agaçante, et de l'exprimer en température, qui est absolument absurde. Donc, scientifiquement, c'est ça, c'est absurde. Donc, les météorologues devraient un peu réfléchir et nous proposer quelque chose qui est physiquement correct. Moi, je comprends. Parlons maintenant, pour terminer, de l'effet des sels déglaçants. Parce qu'on sait qu'effectivement, quand on met du sel sur de la neige, la neige fond, mais il y a une limite aussi, je pense. Oui, mais en fait, j'aime en parler. C'est quelque chose que dans l'hiver, avec un chimiste ici, on parle en expert. Donc, beaucoup de gens, en fait, m'ont fait la remarque qu'ils croient que finalement... Qu'est-ce qu'ils pensent? Oui, les gens pensent que le sel chauffe l'eau. Okay. Donc, et ça va prendre... Il faut mettre beaucoup de sel pour faire bouillir l'eau, même en hiver. Oui. Et en fait, le phénomène est relativement simple. C'est une réaction chimique qui se passe entre le chlorure de sodium qu'on utilise et l'eau, et qui fait qu'en mettant du sel avec la neige, vous abaissez le point de fusion, c'est-à-dire la température du point de fusion du mélange. Donc, s'il fait, et on revient à ce que... Donc, normalement, dans des conditions normales, l'eau reste liquide jusqu'à 0 degré Celsius. Mais si vous mettez un petit peu de sel dedans, l'eau va rester liquide jusqu'à moins 5, plus de sel jusqu'à moins 10, et vous allez pouvoir descendre jusqu'à peu près moins 21. La réaction chimique ne fonctionne plus très bien. Donc, et ça explique un peu parfois la sensation que les gens ont. que c'est froid. Pourtant, l'eau est liquide. Oui. Et en mais effet, elle est à moins 21. Et l'eau est à moins 21. Là, le facteur de refroidissement, là, il est réel, il est en température. Donc, votre eau est à moins 15. Dépendant de la température, l'eau va avoir la température de l'air. Mais le sel ne fait simplement que la garder liquide. Exactement. À une température de plus en plus basse jusqu'à cette limite que le chlorure de sodium peut faire. C'est de l'ordre de 21. Je pense, comme chimiste, vous savez qu'il y a d'autres combinaisons oui, qui pourraient nous comme garder le... l'eau à température plus basse. Le encore. Chlorure de calcium, je pense que ça va descendre jusqu'à moins 50. Là. Sauf ouais. qu'on ne l'utilise pas parce que ça coûte très, très cher par rapport au NaCl. Donc, en fait, quand vous allez retourner à l'extérieur dans ces jours où on commence à voir l'hiver qui nous fait un petit adieu, aujourd'hui, les conditions de ski de fond étaient extraordinaires. Et en effet, on pouvait se permettre d'avoir une légère illusion de printemps. Effectivement. Merci beaucoup, Jean-René Roy, de nous avoir expliqué les principes de physique qui conditionnent nos hivers. C'est toujours d'ailleurs un plaisir de vous recevoir à Futur Simple. Je rappelle que vous êtes astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Alors, on va faire une pause publicitaire et on vous revient avec Valérie qui va nous expliquer la formation du verglas.